Eda lam. Zofotala, son digiden style. Le digiden style, c'est le style des dingues. Donc quand les dingues entendent digiden, ça fait dingue. Wop dans la tête des dingues. Marie Gallo. Tout le monde est ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Tout le monde est ding, ding, ding. Tout le monde est ding, ding, ding. Tout le monde est ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Tout le monde est ding, ding, ding. Tout le monde est ding, ding, ding. Donne-moi un micro et je commence à disjoncter. Eda, Eda, la mais la pression va monter. Ma voix résonne dans toutes les salles, même dans le site. Même dans ton chaos, c'est le flow, fait ta tête. Oh, ça vient des dames. Doudou, chéri, en bikini. Ça vient des dames. Quand on te dit Timar Kaini. Ça vient des dames. Tirom, pays, l'ammonie. Ça vient des dames. Tu songes, t'en donnes pas des tonnes. Tout le monde est ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Tout le monde est ding, ding, ding. Tout le monde est ding, ding, ding. Tout le monde est ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Tout le monde est ding, ding, ding. Tout le monde est ding, ding, ding. La basse fait boum boum, dans le son ça fait boum bata. Y'a pas de violence, mais nanana, y'en a pas. On est tous ding, ding, ding, ding, ding, quand le son est à temps. T'as trop de guada, Eda, Eda, la. Tout le monde est ding. Des discothèques au son de système. Tout le monde est ding. Les rebeux, les blancs, les blacks sont idem. Tout le monde est ding. Si t'es pas dans la partie, ça c'est ton problème. Tout le monde est ding, ding, ding. Tout le monde est ding, ding, ding. Le digiden style c'est le style des dingues. Donc quand les dingues entendent digiden, ça fait ding ding dans la tête des dingues. Tout le monde est ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Les dingues dans les sons.